Cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ila amthali hadhihi al-ahadith التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. Donc après avoir fini l'explication de ces hadiths que l'imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala il a cité dans cette aqidah, Cheikh al-Islam rahimahullah bayyana annahu il n'y a pas de différence entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran, ay min hayth al-ithbat. Comme on accepte les versets du Coran parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la révélation d'Allah azza wa jal, فهكذا on accepte ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que كذلك c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé au prophète alayhi salatu wa sallam. فلهذا قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به. تقدم معنا كثيرا أن on a deux sources importantes في هذا الباب أي في إثبات الصفات, c'est le Coran et la Sunna. ثم il a démontré رحمه الله أن أهل السنة والجماعة c'est la voie du juste milieu. قال الشيخ سعدي رحمه الله والمراد بالوسط العدل الخيار الذي جمع كل الذي جمعوا كل حق في أقوال الخلق ورد ما فيها من الباطل. C'est ça le juste milieu. Le juste milieu c'est entre deux extrêmes, ceux qui ont exagéré et ceux qui ont délaissé certaines choses. Ils ont été laxistes. Ahlus Sunna ils sont wasat. Et parmi leur voie, أي منهجهم من الوسطية. الوسطية ça vient de الوسط, أي le juste milieu. أنهم جمعوا كل حق في أقوال الخلق وردوا ما فيها من الباطل. أنهم ils acceptent les avis, les paroles qui sont basées sur الحق et ils rejettent tout ce qui contredit الحق. ومن وسطيتهم أي parmi le juste milieu أن الحق ils l'acceptent même si ça vient d'un ennemi parmi les ennemis et الباطل ils le rejettent même si ce باطل أي cette erreur, cette mauvaise compréhension, ça vient de quelqu'un de très très proche. C'est ça la voie du juste milieu, c'est ça la vérité. C'est ça le fait d'être objectif, accepter le haq aynama kan et rejeter le batil aynama kan. Wa qad nabbahna kathiran anna hadha, ça ne veut pas dire qu'on recherche le haq inda al mubtilin abadan. Al salaf radiyallahu ta'ala anhum ne recherche pas le haq inda ahli al batil. Là, le haq, tu le recherches inda ahli al haq. Lakin, ça peut arriver. Anna, tu entends une chose ou une chose, elle te parvient min munharifin et c'est la vérité. Dans ce cas, on n'a pas le droit de rejeter. On n'a pas le droit de dire là, c'est faux. Limada, li'anna, la parole, on doit la peser avec les preuves du Coran et de la Sunna. On a un mizan azim pour savoir est-ce que telle parole elle est juste amla. Fahad al-mizan c'est mizan al-Qur'an wa sunnah. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ça, le juste milieu. Donc on accepte de tout le monde et on peut rejeter de tout le monde, sauf le prophète عليه الصلاة والسلام. لكن, et on répète la remarque qu'on vient de faire, هذا الحق ne le recherche pas vers n'importe qui. لأن البعض, au nom de ce juste milieu et au nom de la vérité, ils écoutent tout le monde. Et ils lisent les livres de tout le monde. Et ils prétendent annahum, ils sont objectifs, ils sont justes. Et le haq, ils l'acceptent. Et les erreurs, ils les rejettent. Hada, c'est... Naam. Fa, hada, c'est pas sahih. Limada, l'yanna l'insan, s'il n'a pas la capacité de distinguer entre la vérité et le faux, entre la sunna et la bid'a, entre le tawhid et le shirk, il n'a pas le droit d'écouter ceux qui peuvent causer son égarement dans ces domaines. Là, on doit revenir à Ahlul Haqq. Et bien sûr, Ahlul Haqq, ils ne sont pas infaillibles. Les ulama, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper. Mais, si on te montre que telle parole, elle contredit un texte avec les preuves, là, tu dois rejeter la parole, même si c'est un savant de la sunna. Et bien sûr, on l'aime, on le respecte. Et si telle parole que tu as entendue, ça vient d'un égaré, et yatabayyan, les savants, ils montrent que ce que l'a mis les haq, on accepte la parole parce que c'est la vérité, pas parce que c'est cet égaré qu'il l'a dit. Et ahlul bid'a, wa min babi awla al-kuffar, fa yajibu ala al-jami' hajruhum. On doit les boycotter, on ne doit pas revenir à eux, abadan. Limada, lianna al-haq, walillahi alhamd, il est mawjoud, la vérité, elle est présente. Pourquoi on aurait besoin de rechercher la vérité vers les égarés alors que Ahl Sunna, c'est eux Ahlul Haqq. C'est eux qui ont la vérité. Même cette vérité que tu entendras ou que tu pourrais entendre chez un égaré, elle est forcément عند Ahl Sunna wal Jama'a, عند Salaf. C'est un tambih très important. ثم قال رحمه الله قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا c'est الدليل أن هذه الأمة c'est أمة الوسط, c'est la communauté du juste milieu, فلا إفراط ولا تفريط. Et pour pouvoir suivre le juste milieu, لا بد من علم, لأن le juste milieu c'est العلم. Sans science, دائما l'insan, il peut basculer imma ifrat, imma tafrit. Imma de l'exagération, imma du laxisme. Même s'il a une bonne intention. Même s'il pense qu'il est sur le juste milieu. Fait que min al-nas, ils appellent au juste milieu. Et, iyadun billah, ils sont fi dhalal il-mubin. Imma de l'exagération. Madhab al-khawarij, madhab al-takfiriyin, etc. Imma madhab al-munharifin. Madhab al-Zaïrin, ce qui appelle à l'islam de France, il a akhiré, Layl wa Nahar, il parle au nom du juste milieu. Et fait la haqiqa, ils sont fi dhaya' wa dhalal. Ils sont dans un égarement clair. Al-Haqq, le juste milieu, c'est qal Allah, qal Rasoul. Le juste milieu, ce n'est pas pour satisfaire les autres. Ba'd an-nas, ils ont une compréhension du juste milieu. Yannahu, il faut que je ne sois pas trop dur par rapport aux gens, il ne faut pas que je sois trop laxiste par rapport aux gens. Enfin, son mizan, ça devient les gens. Pas comme on a cité précédemment Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Naam. Enfin, مثلاً, toutes les sentences que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son kitab, ça fait partie du juste milieu. C'est le juste milieu, l'imada, c'est pas de l'exagération, l'imada, il y en a celui qui subit la peine. C'est lui qui a été la cause de cela, c'est lui qui a fait ce péché. Et quand elle n'est pas du laxisme, la punition, elle doit être exécutée. Ça fait partie du juste milieu. Tout ce qui est lié à l'wala, al-bara, al-bord, tout ça, ça fait partie du juste milieu. Al-munharifoun, pour eux, c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération. Parmi le juste milieu, c'est de... Bardahum, ils appellent clairement à aimer les koufars, ou aimer les innovateurs, ou aimer les égarés, iyadam billah. Le juste milieu, c'est al-hubbu billah, c'est le bourdou billah. Le juste milieu, C'est قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. C'est ça le juste milieu. أما عياذا بالله الأهواء, les passions, et l'insan il réfléchit de lui-même sans revenir au texte et il pense que le juste milieu c'est telle chose, forcément il se fera du mal et il fera du mal aux autres. قال رحمه الله فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. هذه الأمة أي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, أمة الإجابة أي المسلمون les croyants, c'est la communauté du juste milieu par rapport à toutes les autres religions. قال فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما جعل. نعم, certaines communautés ont exagéré في المخلوقين. مثلا on a un exemple avec النصارى, les chrétiens, Abdullah, les égarés, أنهم ils ont prétendu أن عيسى ابن الله. أن عيسى c'est le fils d'Allah عليه الصلاة والسلام. عيسى c'est Jésus pour eux. فيقولون أنه c'est le fils d'Allah عز وجل. بعضهم ils disent que c'est lui Allah. وهكذا ils ont exagéré حتى رفعوه فوق منزلته. Il a une منزلة عظيمة pour المؤمنون, pour المسلمون. عيسى عليه الصلاة والسلام, il a un très haut rang pour nous. Il a le rang de Rasoul et de Abd. C'est Abdullah wa Rasouluhu alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé parmi beaucoup, ou par rapport aux autres, ou par rapport à beaucoup de créatures. Qala, wa minhum man jafa من جف الأنبياء وأتبعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم. Et d'autres, العكس, un autre extrême, أنهم ils ont manqué de respect aux messagers, ils les ont combattus, بعضهم ils les ont tués, عياذا بالله. كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا c'est في حق اليهود ce verset. أنهم ils ont rejeté le message de certains prophètes et ils ont tué d'autres. Ayyadan billah. Ça c'est très très grave, le fait de combattre un messager ou un prophète. قال وهذه الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها ولم يغلو في أحد من المخلوقين. كذلك الأمم السابقة, ils ont rejeté des messagers. Les chrétiens, ils ont contredit les juifs, ils ont contredit les chrétiens. Les chrétiens et les juifs, ils n'ont pas cru en notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Amma, nous, on croit en l'ensemble des envoyés. Tous les messagers, nu'min bihim, ça fait partie de arkan al-iman. Wa la yassihu al-iman illa bil-iman bi jami' al-anbiya. C'est ça, la foi du mu'min, du croyant. Nous, celui qui ne croit pas en un messager, il ne croit pas. Sa foi, elle est nulle, iyadan billah. Kadhalik, on n'exagère pas. On n'élève pas un messager au rang de al-Rububiyya ou al-Uluhiyya. Kama fa'ala al-Dhallin min al-Nasara. Ou al-Maghdoub alayhim min al-Yahoud. Ils ont dit Uzayr ibn Allah. D'autres, ils ont dit al-Masih ibn Allah. Amma al-Muslimoun. Là, ils disent que notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est un abd. C'est un abd et هذا c'est un maqam azim. لأن le fait de dire Abdullah, c'est un très très haut rang. Non, c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure créature alayhi salatu wassalam. C'est un abd et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé بهذا. Et si c'est un abd, on n'a pas le droit de l'adorer. On n'a pas le droit de lui demander une chose qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous donner. إنك ميت وإنهم ميتون. La preuve, il est mort عليه الصلاة والسلام. La preuve, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu faim, il a souffert, il est tombé malade. Ça reste un abd عليه الصلاة والسلام. Et مع هذا c'est un rasoul. Donc c'est pas un abd comme les autres. C'est un rasoul, c'est un messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé bil risala. Bel, c'est afdal ar-rasoul. C'est le meilleur des messagers et des prophètes bil ijma' selon l'unanimité. Kadhalik, il a reçu le meilleur livre, al-Qur'an. Qala, wa min al-umam man ahallat كل طيب وخبيث ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة نعم certaines communautés ils ont mangé من الطيب ومن الخبيث et tu as un exemple في النصارى أنهم ils mangent من الطيبات أي des choses bonnes et ils mangent كذلك des mauvaises choses مثلا ils mangent de la viande de porc يدا بالله ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة ça c'est حال كثير من اليهود أنهم ils se sont interdits certaines choses أو الله سبحانه وتعالى il leur a interdit certaines choses كذلك et il nous les a autorisés à nous سبحانه قال وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث أما هذه الأمة Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé les bonnes choses et il nous a interdit les mauvaises. Hada, ça nous montre que hada din, c'est pour notre maslaha. Même la nourriture. Comme il y a un nas, l'un, ils tombent malades à cause de certaines nourritures mauvaises. Ou ils se font beaucoup de mal. Les malades, les anahum, ils ont pris telle drogue ou ils ont bu de l'alcool. Celui qui respecte les commandements de notre din, si on prend dans le domaine de la nourriture et des boissons, il sera fi khair dans ce domaine walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala si nous a interdit la bête morte c'est que c'est mauvais pour nous. Si nous a interdit le sang c'est que c'est mauvais pour nous. Si nous a interdit la viande de porc c'est que c'est mauvais pour nous. Azza wa jal. On n'a pas besoin d'attendre que telle recherche il confirme que la viande de porc c'est mauvais. Il confirme ou il confirme pas. Notre dîn il est clair et Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, c'est le khabir. C'est lui qui a créé cette viande et c'est lui qui l'a interdit les maslahatina. Donc on doit, walillahi alhamd, se suffire de notre din. On doit être sûr et avoir aucun doute. Qala wa nahwa dhalik min al-umur allati manna Allah ala hadhihi al-umma al-kamilati bit-tawassut fiha. Na'am. Cheikh Mu'azimin, rahimahullah, il a un kalam jamil dans son sharh. Il a cité quelques exemples. فقال أي عند هذا الباب قوله رحمه الله الأمة نعم أي أن الأمة هي الوسط في الأمم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني الأمم السابقة وذلك من عدة أوجه. Il a cité quelques exemples pour montrer أن cette communauté, la communauté du prophète Mohammed, c'est la communauté du juste milieu par rapport à toutes les communautés précédentes. Qala fa fi haqqi Allah ta'ala kanat al-yahud tasifu Allah ta'ala bin naqais fatulhiquhu bil makhluq. Na'am. Wa qalat al-yahud yadu Allah maghloula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Hakada qala 'azza wa jalla. Les Yahoud, ils ont osé dire « Akhzahumullah anna yad Allah maghloula ». Et la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas maghloula, elle ne donne pas. Et ils ont accusé Allah, subhanahu wa ta'ala, de ne pas donner d'avarice, ayyadan billah. « Qal, wa kanat al-nasara talhiqul makhlouq al-naqis bil-rab al-kamil ». L'exemple qu'on a donné dans l'explication de Cheikh Saadi. Et al-nasara, ils ont oser dire un tel makhlouq, مثلا Isa alayhi salatu wasalam, c'est le fils d'Allah ou c'est Allah lui-même. Enzuru al-ifrat wa al-tafrit. Enzuru l'exagération de certains iyadan billah ou que ça les a poussés. Qala amma hadhihi al-umma fa lam tasif ar-rabb an-naqais wa lam tulhiq al-makhlouq bih. Le juste milieu. On fait pas comme ils ont fait les yahoud iyadan billah des actes. Et on fait pas que d'aller comme al-Nazara, tellement qu'ils ont exagéré, ils ont élevé Isa alayhi salatu salam, ce makhlouq, c'est une créature, hatta ils ont prétendu que c'était Allah ou le fils d'Allah. Donc ça c'est fi haqqillah. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a cité trois points ou plusieurs, laquelle on va en lire trois. Fi haqqillah, fi haqqil anbiya wa fi al-ibadat. Et de l'exagération concernant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vient de lire, concernant les droits des messagers et des prophètes, alayhim as-salatu wassalam jami'an, c'est ce qu'on va lire l'un, et fil ibadat, dans l'adoration. قال وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى ابن مريم وكفرت به وغلت النصارى فيه. نعم في الأنبياء اليهود ils ont rejeté le message de Isa عليه الصلاة والسلام. Ils ont prétendu que c'était pas un messager إلى آخره. وكفرت به. Ils ont mécru au message de Isa. وغلت النصارى فيه. Al-Nasara, comme Taqaddam, ils ont exagéré. Hatta ils l'ont élevé au niveau de Ar-Rububiyya. قال حتى جعلته إلها أما هذه الأمة فآمنت به بدون غلو وقالت هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأمة, ils ont accepté le message de Isa. Et ils ont la ferme conviction, ils ont l'iman أن عيسى عليه الصلاة والسلام c'est un prophète et un messager. انظروا le juste milieu. Pas les accusations des juifs et pas l'exagération des chrétiens. Le juste milieu. وفي العبادات, dans les adorations, قال النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. Ça c'est حال هؤلاء الأرجاس الأنجاس المشركين. Annahum, ils ont un manque de inaya. Ils ont un très très grand manque au niveau de la propreté. Annasara, les chrétiens. Hatta fi ibadatihim. Hatta quand ils sont en adoration. Leur adoration batila qui est fondée sur le shirk. Billah Azza wa Jal. Même dans ce moment qui est important pour eux, ils ont un manque de propreté. Falihada qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, yaboul al-wahid minhum. Ay wahid min haoula, quand il urine, ويصيب البول ثياب ربما ستورين التوش une partie de son corps ou de son vêtement ثم il se nettoie pas et il rentre directement fil canis à l'église pour assister à la messe ou à leur prière. هذا عياذا بالله c'est un نقص عظيم في هذا الجانب أي dans l'adoration. قال واليهود بالعكس, les juifs c'est le contraire. إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرضونها من الثوب فلا يطهرها الماء عندهم. Tellement qu'ils exagèrent, si un najas touche leur vêtement, ربما ce vêtement il coupe cette partie qui a été touchée par un najas, par cette impureté. لماذا؟ لأن l'eau pour eux ça suffit pas. قال حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يأكلونها ولا يجتمعون بها. حتى الحائض عندهم, et la femme qui est touchée par les menstrues, عند اليهود, elle est mise de côté. حتى التقرب منها, le fait de s'approcher, de lui parler, qu'elle reste dans la même pièce, عندهم c'est ممنوع, elle est isolée, il a akhri. Ça fait partie de l'exagération. Et tu trouves ربما النصارى, quand leur femme a الحيض, فعياذا بالله, peut-être qu'ils vont faire des choses qui sont haram de faire avec une femme qui a ces périodes de monstres. Le musulman, il est wasat, le juste milieu. قال رحمه الله أما هذه الأمة فهم وسط فيقولون لا هذا ولا هذا لا يشق الثوب ولا يصلى بالنجاسة بل يغسل غسلا حتى تزول النجاسة منه. Par rapport à l'urine, bien sûr, on ne fait pas as-salat quand on a uriné ou avec un de nos vêtements s'il a été touché par cette impureté. Sans se laver, sans faire l'eau d'eau, il a akhiré. Et كذلك قال ولا يبتعدون عن الحائض. La muslima, quand elle a ses monstres, فالحمدلله. قال شيخ ابن تيمية بل يأكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع. Elle a le droit de manger bien sûr avec ses proches. C'est comme avant, il n'y a aucune différence. Sauf dans un cas, son mari n'a pas le droit d'avoir des rapports. Mais Anna, son mari, il a le droit. Il a le droit de dormir avec sa femme, il a akhiré, lakin les rapports c'est haram. Autre que les rapports, il a le droit. Ummatur rahma, ummatul wasat, ça nous montre en suivre hada din, c'est le meilleur moyen pour combattre l'extrémisme. C'est le meilleur moyen pour combattre l'exagération. Comme min an-nas l'an, ils ont fait des associations, ils ont fait des centres, ils ont écrit des livres pour combattre l'extrémisme. Lakin sans revenir au Coran et à la Sunna et aux savants de la Sunna, l'extrémisme il fait que monter. L'extrémisme il monte avec l'ignorance. L'extrémisme il monte quand cette voie elle est pas claire pour certains jeunes et le Coran ou la Sunna. Mais celui qui a compris le Coran ou la Sunna, wallahi alhamd, il sera sur le juste milieu. Il commettra pas d'injustice, abadan, même envers le kafir. Et kadhalik, il ne baissera pas les bras. Et tu trouveras le sunna, c'est les plus courageux, wallahi alhamd. Ils sont wasat. Ils ne commettent pas d'injustice et ils font tout pour ne pas en subir. Et ya'tanouna bil'ilm. Et que ça soit dans l'aqida, que ça soit dans l'ibada, que ça soit dans l'akhlaq, dans le soulouk, dans le mu'amala, da'iman, ils essayent d'appliquer ce juste milieu. Et tu peux trouver, yanna, wahed min ahl sunna, il a des manquements, et dans certaines choses, il délaisse le juste milieu, à cause de son ignorance. Il m'a du laxisme, il m'a l'exagère. Hada, c'est une erreur qui vient de lui. Amma al-manhaj, notre din, al-tariq, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est une voie parfaite qui est basée sur le juste milieu. Ah, le kalam, il est très très important. Summa qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullah. On revient au matn. Au qabla dhalik, on finit la dernière phrase du sharh de Cheikh Sa'di rahimahullah. Qala wa kadhalika ahlu sunnati wal jama'a mutawassitun bayna firaqil umma al-mubtadi'a allati harafat an as-sirat al-mustaqim. Hada c'est un kalam jamil. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a démontré en Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a kadhalik, ils sont sur la voie du juste milieu par rapport à tous les groupes égarés. Tous les groupes égarés de cette communauté. Ou qui se prétendent faire partie de cette communauté, comme al-Rafida ou al-Jahmiyyah. Ou des musulmans qui se sont égarés. Ahl al-Sunnah, al-Mu'im, ils sont wasat par rapport à tous ces groupes. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهمية أهل التعطيل وبين المشبهة أهل التمثيل. Premier point, أن أهل السنة ils ont suivi la voie du juste milieu dans les صفات, dans les attributs d'Allah سبحانه وتعالى. Tu as deux extrêmes, comme on a détaillé كثيرا ولله الحمد ensemble. Tu as deux extrêmes في هذا الباب. Le premier extrême, c'est le Jahmiyya al-Mu'attila. Ils ont rejeté les noms et les attributs. Et Wa'ad al-Mu'attila, ils ont rejeté des attributs. Wa'aduhum al-Muharifa, ils ont rejeté certains attributs. Al-Muhim, anna ha'ula attalu wa ankaru. Ils ont rejeté, ils ont délaissé. Ils n'ont pas voulu croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel attribut. L'autre extrême, c'est al-Mumathila, al-Mushabbiha. غلو في الإثبات. Ils ont fait du roulou في الإثبات. حتى ils ont dit نعم الله سبحانه وتعالى il a des mains, il a un visage, il a des yeux comme l'être humain. هؤلاء انحرفوا وظلوا. Le premier extrême, غلو في التنزيه. التنزيه, c'est le fait de dire, de croire plutôt, que Allah سبحانه وتعالى il ne ressemble pas aux créatures. Allah سبحانه وتعالى il a pas d'imperfection. Ça c'est حق, لكن ils ont exagéré. Hatta ils ont conclu en Allah il a pas d'attribut. Ayyadan billah. Ahl al-Sunna ils sont wasat. Athbatu ma athbata Allah azza wa jalla li nafsihi aw athbathahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa nazzahu Allah subhanahu wa ta'ala 'an an-naqais wal 'uyub. Le juste milieu. Ils ont accepté les noms et les attributs qui sont cités dans les textes authentiques et ils se sont écartés du tahrif, du ta'til, du tamtil, du takif, du tafwid. Walillahi alhamd. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, kama taqaddam bayan dhalik wa anna ahl as-sunnati yuthbituna jami' ma thabata fi an-nusus min sifatillah 'ala haqiqatiha al-la'iqati bi'azamati al-bari. Ça ça nous montre la voie du juste milieu. Annahum yuthbituna as-sifat, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala athbataha li nafsihi, imma dans le Coran, imma dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que nous mettons sifat ala haqiqatiha. Et Allah, il a vraiment ses attributs. Wa ta'ammal qawlahu al-la'iqa bi'azamati al-bari. Ne crois pas que cet attribut, matalan Allah, il a un visage, Allah, il a des mains, Allah, il a des yeux. Ne crois pas que c'est comme l'être humain là, li anna hadhihi al-awsaf al-jalila لائقة بعظمة الله بعظمة الباري الخالق سبحانه. Donc on dit le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le visage d'un être humain. Enfin, ne pense pas que c'est un visage d'être humain. Ne fais pas la comparaison. Wa illa, tu tomberas dans un des deux extrêmes, ayyadan billah. Et ma tamthil, ayyadan billah, l'insan il pourrait penser que c'est comme le visage d'un être humain, et hada c'est très très grave. Imma ayyadan billah ta'tilun ou tahrif. Imma, il pourra conclure, on a vu qu'Allah il ressemble pas aux créatures, donc c'est pas un vrai visage, donc le sens c'est kada. Et ayyadan billah tariqatu. المحرفة الضلال قال الشيخ سعدي رحمه الله أو انتهينا dans ma nusra dans mon livre il n'y a pas la différence dans ce passage entre كلام الشيخ سعدي et كلام شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله فلهذا juste après قال وهم وسط في باب يفعل الله ça c'est كلام الإمام لتيمية رحمه الله normalement dans cette version que j'ai il aurait dû être en rouge et en gras comme le mat لكن c'est une erreur d'imprimerie. فعلى كل حال أهل السنة ils sont بين هؤلاء أي الجهمية et المشبهة. قال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح إلى سيد الخلاصة قال والخلاصة أي le résumé de ce premier point أي le fait que أهل السنة ils ont suivi la voie du juste milieu dans les صفات d'Allah subhanahu wa ta'ala entre deux extrêmes, al-jahmiyya al-mu'attila et al-mushabbiha. Qala wal khulasa hum wasat fi bab as-sifat bayna ta'ifatayn mutatarrifatayn. Ta'ifatun ghalat fi at-tanzih wa an-nafi. Donc ahl as-sunna ils sont entre deux extrêmes. Le premier extrême, un groupe qui ont exagéré dans an-nafi wa at-tanzih. Tellement qu'ils ont voulu s'écarter du fait que Allah il ressemble pas à la créature et ça c'est haq. Allah ne ressemble pas à la créature. Laïsa kamitlihi shay'un. Lakin hum, ils ont exagéré via hada. Hatta, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si tu médites sur le verset qui est une base, fi hada al-bab, qawluhu azza wa jal, fi surati shura, laïsa kamitlihi shay'un, wa huwa sami'u al-basir. Fa nafa' an-nafsihi al-nid wa al-sharik wa al-mitl, azza wa jal. Et أثبت لنفسه ذي الصفات. Et c'est ça la voie du juste milieu. Vous avez remarqué que ce verset فيه نفي وإثبات. Et c'est ça la voie du juste milieu. Tu dois être entre النفي والإثبات. Ou plutôt, tu dois accepter le نفي qui est fondé sur les textes et accepter le إثبات qui est fondé sur les textes. أما هم, le premier groupe, المعطلة, ils ont exagéré في التنزيه والنفي. Et on a cité souvent leur shubha, et c'est la même. Anahum, ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a tel attribut, tu le fais ressembler à la créature. Donc ils se sont sentis obligés de faire du tanzih. La tanzih, c'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'imperfection. Il ne ressemble pas à la créature, il a akhri. Et à la base, c'est haq. Lakinhum, tellement qu'ils ont exagéré, ils ont rejeté les attributs d'Allah azza wa jal. Ça, c'est le premier extrême. Qal wahum ahlu at-ta'til min al-jahmiyya wa ghayrihim. أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم أي الجهمية bien sûr والمعتزلة والأشاعرة et chaque groupe il a un égarement par rapport à son niveau قال والطائفة غلط في الإثبات un autre groupe ils ont exagéré في الإثبات الإثبات c'est quoi c'est le fait de dire Allah سبحانه وتعالى il a tel attribut مثلا Allah سبحانه وتعالى il descend le dernier tiers de chaque nuit Allah سبحانه وتعالى il a un visage, il a deux mains, il a deux yeux, il a akhir. Il a du ilm, il voit, il entend, subhanah. Hum, ils ont accepté hada, ils ont fait du ithbat, lakin ils ont exagéré. Alors que al-ithbat, il est muqayyad annahu, c'est un ithbat, et tu dis qu'Allah il a tel attribut, lakin sans le faire ressembler à la créature. Hum, ils ont dépassé cette limite, ils ont exagéré, ils ont dit Allah azza wa jal, il ressemble à la créature. Pourquoi les annahum ils ont dit Allah il a dit il a un visage, il a des mains, il descend et nous on connaît visage, main, descend, tous ces attributs, on connaît dans les créatures. Donc Allah il a les mêmes. Ayyadan billah. Alors que taqaddam ma'ana certaines créatures, ils ont pas les mêmes attributs. Enfin, comment prétendre que Allah il a les mêmes attributs que ces créatures? Ah là c'est du kufr. La shakka fi. قال شيخ ابن عثيمين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc ce verset ولله الحمد il est محفوظ عند إخواننا et c'est une base في هذا الباب. Aqidatu salaf fi al-asma wa sifat, elle est fondée sur ce verset et sur d'autres versets, bien sûr. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et on a détaillé, wa lillahi alhamd, hada kathiran. Thumma qal, rahimahullah, ay al-imam ibn Taymiyyah, wa hum wasat fi bab af'alillah bayna al-jabriyyah wa al-qadariyyah. Deuxième point, l'imam le Taymiyyah, rahimahullah, il a démontré à Nahum, ils sont, ahlus sunnah, ils suivent le juste milieu dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et kadhalik, concernant le destin. Ils sont entre ces deux groupes, al-jabriyyah ou al-qadariyyah. Walillahil hamd, on avait étudié dans notre série de cours sur les sectes, ces groupes, que ce soit al-jahmiyyah, al-mu'tazila, al-ashaira, ou que ce soit al-jabriyyah, al-qadariyyah. Alhamdulillah, on avait détaillé ce juste milieu et l'égarement de ces extrêmes. Et kadhalik, on fait une autre remarque. Anna Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans Al-Wasitiyah, il a cité un chapitre sur le destin. Et, inshallah ta'ala, quand on arrivera à ce passage, on détaillera. Amal-an, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi Ahl-Sunnah, ils sont sur le juste milieu par rapport à ces deux extrêmes, de connaître les deux extrêmes et de connaître le juste milieu. Huna bil jumla, jumlatan, sans faire de tafsil, sans détailler. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah, fa inna al-jabriya. Al-jabriya, c'est un groupe qui s'est égaré dans le destin, dans le domaine, dans la foi au qadr. Et al-jabriya, c'est le jahmiya. Tu ne trouveras pas peut-être un groupe qui s'appelle al-jabriya. Là, al-jahmiya, c'est le regardement plutôt dans le destin, c'est al-jabr. Ils ont cette aqida. Al-jabriya, huna, c'est al-jahmiya. Kama anna al-qadariya, c'est le mu'tazila. Qala, fa inna al-jabriya, yaz'umuna anna al-abd majbour ala af'alihi la qudrata lahu alayha wa anna af'alahu bimanzilati harakati al-ajjar. Kullu hadha ghuluun minhum fil qadr. Ils ont exagéré fi ithbat al-qadr. On sait, nahnu, walillahi alhamd, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose bi qadr. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadr. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il l'a décrété avant de le créer. Azza wa jal. Fal jabriya, ils ont exagéré fi hadha, et ils ont dit, vu que tout est écrit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Qalu anna al-abd, il n'a pas le choix, il est majbour. Quelqu'un de majbour, c'est quelqu'un de contraint, tu n'as pas le choix. Et si tu fais du bien, c'est pas par ta volonté. Si tu fais du mal, c'est pas ta volonté qui t'a poussé à faire ce mal. Tu es forcé. Alors, l'ulama, il cite le mithal comme une feuille qui est emportée par le vent. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière. Hakad al-insan, il n'a pas le choix. Hada, c'est un égarement. Et ils ont exagéré dans ce point du qadr. Qala, ou al-qadariya, et c'est al-mu'tazila, ils se sont égarés fi bab al-qadr. Qabalouhum, fanafou ta'alluq qudratillah bi af'al al-ibad tanzihan lillah bi za'mihim. Ha'oula, ils ont exagéré kadhalik, et ils se sont égarés, ils ont contredit al-jabriya, et ils ont dit, l'être humain, il a de la qudra, il a de la volonté. Et ça, c'est haqq. Vous avez remarqué que les deux parties, ils ont, les deux extrêmes plutôt, ils ont une partie de haqq. Al-Jabriya, maintenant, ils disent tout est écrit. Ça, c'est la vérité. Bien sûr que tout est écrit. Lakin, ils se sont égarés par rapport aux actions des êtres humains. Ils ont dit l'être humain, il n'a pas le choix. Al-Qadariya, ils ont dit l'être humain, il a une volonté, il a une capacité. Et ça, c'est vrai. Naam. Aqidat al-Sunnah, l'être humain, il a une volonté, bien sûr. Lakin, ils ont exagéré, ils ont dit فَقَالُوا فَنَفَوْ تَعَلُّ قُدْرَةِ اللَّهِ بِيَفْعَلْ لِيبَدْ. Et c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les œuvres de ces êtres humains. Et l'être humain, il peut faire une chose, vouloir une chose, même si Allah il l'a pas voulu, même si Allah il l'a pas créé. عِيَدًا بِاللَّهِ. Ils se sont égarés. فَلِهَذَا قَالَ شِيخ سَعْدِ رَحِمَهُ اللَّهِ فَأَفْعَلُوا الْعِبَدْ عِنْدَهُمْ لَا تَدْخُلْ تَحْتْ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ. Aïe, l'être humain, il peut faire une chose alors que Allah il a pas voulu. عِيَدًا بِاللَّهِ. Ça, c'est très très grave. طعن في قدرة الله وإرادة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a tout voulu. C'est lui qui gère tout. Lakin al-qawm, ils ont pas fait la différence entre al-irada Al-Kawniya al-Qadariya et al-Irada al-Shar'iya. C'est pour ça qu'ils ont mélangé. Et dans nos dorus précédents, Wallillahilhamd, concernant l'attribut de al-Irada, la volonté, on avait cité ces deux catégories. Et Inch'Allah ta'ala, on répétera quand on étudiera le chapitre du destin. قال وكل وكل من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة. نعم. Les deux parties, ils ont accepté une vérité et ils ont rejeté une autre partie. Ils se sont égarés. قال رحمه الله وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين فآمنوا بقضاء الله وقدره وشمولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم. أهل السنة آمنوا بالقدر. Et ils ont la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a tout créé. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe, il le veut. Il sait tout. Il a tout écrit. Subhanahu wa ta'ala. وآمنوا بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. Allah, il vous a créé et ce que vous faites. On a cette conviction. Les œuvres des êtres humains, nos actions, elles sont créées. Allah, il nous a créé nous et nos œuvres. Et ça ne contredit pas le fait qu'on a une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé nous et nos œuvres et il nous a donné une volonté. Et tout ça, c'est créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Azza wa jal. قال وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Contrairement au qadariya. Ça, c'est une réfutation sur le groupe des Qadariyya. On répète le qawl des Qadariyya. فَنَفَّوْ تَعَلُّ قُدْرَةِ اللَّهِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ. Eux, ils ont dit que si maintenant l'être humain il fait telle chose, il fait du mal, c'est pas Allah qui a créé ce mal. Et c'est pas Allah qui a voulu ce mal. Donc l'être humain il fait une chose sans que Allah subhanahu wa ta'ala il le veuille. عِيَدًا بِاللَّهِ. Là, c'est très très grave. وقال وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم. نعم. Ça c'est un rabd ala al-jabriya. Ceux qui ont dit qu'on est forcé. Ils ont dit vu que tout est écrit, on est forcé. Vous avez remarqué que chaque groupe, on répète, ils ont pris une partie. Ah, le sunna, ils ont rassemblé entre les textes et ils ont tout pris. فقالوا Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit, tout est destiné. Même nos œuvres, elles sont créées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on fait, c'est bi-iradati, c'est sous sa volonté, bien sûr, azza wa jal. Et kadhalik, on a une volonté. Kama qala azza wa jal, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Tu peux pas vouloir une chose, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu. Ça te montre que tu as une volonté. Lakin ta volonté, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut et il est juste. Pour comprendre hadha al-bab al-azim, bab al-qadr, et pour comprendre l'égarement de ha'oula, tu dois bien sûr toujours garder dans ton cœur un point important, husnu dhan billah. Lianna ha'oula, pourquoi ils se sont égarés? Lianna, ils ont pensé que dans le destin, il y avait une injustice. Falihada, ils ont dit, anna al-insan, imma. Ils ont dit, il est forcé, et ça fait le haqiqa, c'est rien au volm. Et mal qadariya, ils ont dit là. On ne peut pas dire que les œuvres de l'être humain sont créées, il a akhiré, pour s'écarter soi-disant de l'injustice. Et ils sont tombés kadalik dans l'injustice. Les ma'adal et anna, prétendre qu'une chose, elle se passe dans cet univers, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé ou qu'il n'a pas voulu, c'est de l'injustice. Inna shirka la zulmun azim. Et si. Ha'oula, ils disent que cet être humain, ou plutôt cette chose, c'est pas Allah qui l'a créé. Qui c'est qui l'a créé? Allahu khaliqu kulli shay. On va leur dire, qui c'est qui a créé cette chose si c'est pas Allah? Ça veut dire qu'il y a un autre créateur, iyadan billah. Falihada sahha an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna al-qadariyya majus hadhihi al-umma. Al-majus, c'est ceux qui prétendent que l'obscurité a un créateur et la lumière a un créateur. Majus. Ils ont une foi qu'il y a plusieurs créateurs. Ha'oula al-Qadariya, ils prétendent que chaque être humain crée ses œuvres. En ce moment, actuellement, on est 7, 8 milliards madrikans. Inda ha'oula, donc 7 milliards, ils créent leurs propres œuvres. Donc il y a 7 milliards de créateurs. Inda ha'oula al-Dullal. Al-Bid'a, c'est très très grave. Ha'oula, ils sallon, ils font salat, ils font siyam, ils font le hajj, ils l'a akhiré. Lakin, iyadan billah, hadhihi shubah. Et cette aqida, c'est très très grave. Ta'anun fi rabbil alamin. Qala rahimahullah. Nu'id fa'amanu bi kulli nassin. Fihi ta'mim qudratihi wa mashi'atihi li kulli shay. Wa bi kulli nass fihi ithbat. أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم. Ça nous montre أن si tu veux suivre la guidée, fais attention de ne pas prendre qu'une partie des textes. Al-Qadariya, ils ont pris qu'une partie. Et ils ont rejeté l'autre. Al-Jabriya, ils ont pris qu'une partie. Ils ont délaissé l'autre. Ils se sont égarés. وهكذا المعطلة. وهكذا on verra ما يتعلق بالمرجئة والخوارج. ما من مبطل qui s'est égaré, en général il a pris un texte. Ne pas croire que les égarés ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'arguments, ils ont des adilla. Un égaré peut te dire قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن اعلم أن l'égaré إما il prend pas tous les textes, il prend ce qui arrange sa position et il suit ses patients, إما il prend les textes لكن il les comprend sans revenir au savant. فالحذر de ces deux maladies. On doit s'efforcer dans un sujet à étudier le sujet en prenant tous les textes. حتى on a un hukm. Et cette étude sans revenant au savant de l'islam. أئمتو السنة المتقدمين والمتأخرين. كذلك on fait attention, on a une شبهة. Là on prend que des salaf et on délaisse les savants contemporains. C'est une voie d'égarement. Robama, tu vas prendre une voie, un avis des salaf, tu vas mal le comprendre, tu vas t'égarer. Tu dois revenir au savant de la sunna. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. Et هذه الطائفة c'est أهل السنة, c'est أهل الحديث. Et à la tête de cette طائفة c'est les savants. Donc celui qui veut comprendre la voie des salaf seul sans revenir aux savants, عيادا بالله, il peut s'égarer à tout moment. قال رحمه الله وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل يتساعدان كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. Il n'y a aucune contradiction entre le fait que tout est créé, tout est destiné, et que l'être humain il a la volonté, tu as le choix. Si tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'adores, si tu ne veux pas, tu ne l'adores pas. Si tu l'adores, tu seras récompensé, si tu ne l'adores pas, ayyadan billah, tu risques un châtiment très très douloureux. Et إن شاء الله, on détaillera هذا dans le chapitre du destin. Cheikh Nazimin rahimahullah ta'ala قال, il a résumé ces deux extrêmes. قال فالأولون غلوا في إثبات أفعال الله وقدره وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله وليس للإنسان اختيار. Ça c'est le premier groupe. غلوا في إثبات أفعال الله وقدره. Ils ont exagéré dans le destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout écrit, etc. Ils ont dépassé les limites, hatta ils ont dit, l'être humain, il n'a pas le choix. Ils se sont égarés. Le deuxième groupe, Al-Qadariya, قال, والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد وقالوا إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد فهو الفاعل المطلق. الاختيار. نعم. Ils se sont égarés, ils ont dit l'être humain, il a une volonté, il a la capacité. Et tellement qu'ils ont exagéré, ils ont dit, tout cela, c'est pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, il fait ce qu'il veut. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas. Iyadam billah. Ah, là, c'est très très grave. Et, wallahi alhamd, on a lu Kalam Sheikh Sa'di sur la voie de Ahlus Sunnah, le juste milieu. Thumma qal. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. هنا في باب الوعيد. أي مثلا est-ce que celui qui fait tel péché rentrera en enfer? Est-ce qu'il rentrera en enfer éternellement? Am la? C'est ça le wa'id. Par rapport à la punition, par rapport au châtiment. Tu as deux groupes. Tu as le murji'a. Ceux qui disent que les péchés ça fait aucun mal à la foi. Et tu as un autre extrême, c'est al-wa'idiyya. Min al-qadariyya wa ghayrihim. Il est appelé wa'idiyya, li anna, il y a deux groupes qui rentrent sous cette nomination al-wa'idiyya. Al-wa'idiyya, ça vient de l'wa'id. Tu as al-qadariyya. Et huna al-qadariyya, c'est le mu'tazila. C'est pour ça que, au début du dars, on a fait le lien entre le qadariyya et le mu'tazila. Li anna al-mu'tazila, vous vous rappelez quand on a étudié cette secte, yaqulun. أن صاحب الكبيرة سيمر على هذه الكبيرة هي restera en enfer éternellement. Ils ont un autre قول في الدنيا. Est-ce que c'est un مسلم أم لا؟ On verra هذا dans le prochain point. Et c'est cela la différence entre le prochain point et celui-là. المهم الوعيدية c'est المعتزلة وغيرهم c'est الخوارج. Donc tu as deux groupes dans cet extrême. Le premier extrême c'est le Murji'a, le deuxième extrême c'est al-Mu'tazila et al-Khawarij. Ça nous montre qu'un extrême il peut avoir plusieurs groupes. Quand on dit extrême, c'est pas forcément un groupe là. Tu peux avoir plusieurs groupes, ils ont la même aqida. Matalan al-Murji'a ça englobe al-Jahmiya. Ça englobe al-Ash'ari. Ils ont du irja dans al-Iman certains d'entre eux. Wa hakada plusieurs groupes. وراجع الشيخ ابن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح الى الى cité ce que je viens de vous résumer. قال وذلك ان المرجئه جعلت الايمان فقط تصديق القلب واخرجت عنه جميع الاعمال الباطنه والظاهره. Donc المرجئه ils ont dit ان الايمان c'est un bloc pour eux. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu l'as, fa ce iman il monte pas, il descend pas. Et ce iman, c'est dans le cœur, ça n'a rien à voir avec les actes pour eux. Et كذلك, الذنوب, ça ne fait pas de mal à ce iman. فعندهم iman Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, c'est le même que iman d'un fasiq de nos jours. Un musulman qui fait beaucoup de péchés, qui n'est pas sérieux dans son dîn, il a le même iman que Abu Bakr. L'iman d'Aliana, pour eux, l'iman, c'est quelque chose d'unique, c'est une chose, c'est une entité, un bloc. نعم اما الاعمال pour les œuvres c'est autre chose. هذا لا شك c'est un égarement clair. قال وجوزوا على الله ان يعذب المطيعين وان ينعم العاصين. هذه الجمله elle est pas liée directement à ce point. الله اعلم pourquoi الشيخ سعدي l'a cité هنا لكن الذي يظهر والله اعلم et j'ai regardé dans les autres explications de l'Wasitiyya ou certaines et ils n'ont pas cité مثل هذا الكلام لكن الذي يظهر أن الشيخ سعدي رحمه الله هنا il a cité l'égarement de l'Murji'a qui est clair, le égarement c'est dans la foi ثم il a cité l'égarement de جهمية المرجئة المرجئة on a dit الجهمية c'est des مرجئة الجهمية يقولون بالجبر. Al-Jahmiya, ils ont plusieurs égarements. Ils ont un égarement dans la foi. C'est des murji'a. Ils disent que la foi, elle monte pas, elle descend pas. On a tous la même foi. Les péchés, ça fait aucun mal. On a résumé. Ils se sont égarés kadalik dans le qadr. Al-Jahmiya, c'est des jabriya dans le qadr. C'est ce qu'on a étudié le point précédent. Qu'est-ce qu'ils disent, Al-Jabriya? Ils disent que tu es contraint. Donc, si on revient à Kalam Cheikh Saadi, « وَجَوَّزُوا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبْ الْمُطِيعِينَ وَأَنْ يُنَعِمْ الْعَاصِينَ » Vu qu'ils ont cette aqidah de Jabriya, tu es forcé, donc pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut châtier quelqu'un qui a fait du bien et il peut récompenser quelqu'un qui a fait du mal. لِمَاذَا لِأَنَّا tu es forcé. فَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Et ce passage, il faudrait poser la question à un savant pour bien confirmer est-ce que on a compris ce passage ou c'est une erreur d'imprimerie là. J'ai vérifié walillahil hamd certaines versions de ce charh et c'est cité à hadith kalima. Allah ta'ala a'lam. قال واما الوعيديه من القدريه فخلدوا في النار كل من مات. Et c'est pour ça que le kalam qu'on a cité auparavant Il est fort probable. Imam Ali, il a juste après, il a cité l'égarement de al-Wa'idiyya al-Qadariyya. Fait qu'Anna, au départ, il a cité l'égarement de al-Murji'a al-Jahmiyya. Fait هذا الذي يظهر والله أعلم. قال وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا في النار كل من مات مصرا على الكبائر التي دون الشرك فانحرفت كل واحدة وردت لأجل ذلك من النصوص ما ردت. Donc Al-Wa'idiyya, et Al-Khawarij, et Al-Mu'tazila, ils se sont égarés fi bab al-Iman. Et ils ont la conviction, iyadam billah, anna celui qui meurt, et il a fait un grand péché, comme a dit Cheikh ibn Uthaymeen dans son charh, rahimahullah, celui qui est mort, et qui a bu de l'alcool, il buvait de l'alcool, c'est un grand péché, c'est comme celui qui a adoré une idole pendant 50 ans. C'est la même chose. C'est un kafir, c'est un kafir. Ça, c'est min al-dhulm. Et ha'oula, ils ont pris une partie des textes et ils ont délaissé les autres. Qala, Cheikh Sa'di, wa hada Allahu ahl al-sunnati wal jama'a fatawassatu wa qalu inna al-imana ismun jami'a. اسم لجامع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية وأنه قد يبقى ناقصا إذا تجرأ المؤمن على المعاصي بدون توبة وأن الله لا يظلم من عباده أحدا ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب وأنه لا يخلد في النار أو كأنه لا يخلد في النار نعم من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الكبائر كما تواترت بذلك النصوص في الكتاب والسنة إلى آخره. Donc, عقيدة أهل السنة أن la foi elle monte et elle descend. Et cette foi elle peut descendre jusqu'à qu'il reste un tout petit peu de cette foi. Ce mu'min, tant qu'il lui reste un peu de foi, il sera sauvé. يوم القيامة. Même s'il rentre en enfer à cause de ses péchés, il sortira يوم من الأيام كما في حديث الشفاعة. حديث أنس رضي الله عنه وغير أنس. Donc c'est ça la voie de أهل السنة. Et كذلك يعتقدون أن هذا الفاسق يستحق العذاب. Il mérite d'être châtié. كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي si Allah سبحانه وتعالى veut il châtie celui qui a fait un grand péché, s'il veut il lui pardonne. Ça nous montre أنه il risque le châtiment. Mais prétendre أنه il sera châtié forcément et encore plus grave أنه il restera en enfer éternellement, ça c'est حال الكفار. فهؤلاء tellement qu'ils ont exagéré, ils ont cité, ou ils ont comparé le cas du fasir, celui qui a fait des grands péchés, au kuffar. Et ils l'ont mis au même niveau, ayyadam billah. Ça c'est de l'extrémisme, ça c'est de l'exagération. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, قال, dans son charh, وَالسَّبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْوَعِدِيَّ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَ. Il a conclu avec un kalam jamil. Après avoir cité les deux extrêmes et les justes milieux, on n'a pas relu l'imada, il y en a kalam, Cheikh Sa'di rahimahullah, il est clair. Thumma il a cité une faïda importante, c'est quoi sabab al-khilaf? Pourquoi il y a eu ce khilaf? Ça c'est très très important. Pour ce point ou pour les autres? Et c'est valable pour tous les égarements. Qala wa sabab al-khilaf bayna al-wa'idiyya wa bayna al-murji'a anna kulla wahidin minhuma nazara ila an-nusus bi'aynin awra. Et c'est ce qu'on a cité au début du cours, ou pendant ce cours. La cause du khilaf, c'est que ha'oulaï se sont comportés avec les textes comme des borgnes. Le borgne, c'est celui qui lui manque un œil. Il voit que d'un œil, que d'un côté. Enfin, ils ont pris certains textes, ils ont délaissé les autres. Matalan al-wa'idiyya, ils ont pris tous les adillah fi ta'dhib, fi al-khawf, fi al-iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il va châtier celui qui a fait telle chose, il a akhri. Beaucoup de textes. Al-Murji'a, ils ont pris les textes, ils ont regardé que d'un œil les textes où qu'il y a Al-Raja, wa Al-Afu, wa Al-Rahma. An Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés, An Allah subhanahu wa ta'ala, Tawwab, Rahim. Donc, kullu wahid, il a fondé sa aqida, sa croyance sur une partie des textes. Et ils se sont égarés. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, هؤلاء نظروا نصوص الوعد فأدخلوا الإنسان في الرجاء وقالوا نأخذ بها وندع ما سواها وحملوا نصوص الوعيد على الكفار. المرجئة ils ont pris les textes sur le repentir, sur la miséricorde, sur le pardon, etc. Et ils les ont appliqués. Et ils ont dit tout ce qui concerne le châtiment, la punition, c'est pour les kuffars. Sans distinction. Ça c'est grave. Mais ce qui concerne les kuffars, c'est l'éternité. أما الشاتيمون certains croyants ils seront châtiés et punis. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام والرحمة. قال والوعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعد. الوعيد c'est la punition, الوعد c'est la promesse, c'est tout ce qui est lié au pardon, etc. Donc هؤلاء ils ont pris tous les textes où il y a des punitions, des châtiments. قال فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. Vu qu'ils n'ont pas pris tous les textes, ils se sont égarés. قالوا أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة فنأخذ بها ونصوص الوعد محكمة فنأخذ بها. أهل السنة, ils ont pris tous les textes. Vu que c'est des textes authentiques du Coran, de la Sunna, نصوص محكمة. C'est pas من المتشابه, c'est des textes clairs. Ils ont pris tous les textes. قال رحمه الله فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئة وقالوا فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لألا نهدر نصوص الوعيد. الهدر c'est الإبطال. Aïe, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont pris les textes qui montrent le châtiment et ils ont dit celui qui fait des grands péchés et il meurt sans faire tauba, il risque le châtiment. En se basant sur les textes qui montrent que celui qui fait telle chose, il aura un châtiment. Obligé de faire comme ça, attends, on ne délaisse pas des textes. Qala ghayr mukhallad fiha, avec cette précision. Et c'est ça la différence entre qawl Ahlus Sunnah et qawl al-Mu'tazila wal Khawarij. On a cette conviction, certains ils se feront châtier. Lakin, c'est pas sûr, Allah il pardonne à qui il veut, et même s'ils se font châtier, ça sera pas éternellement. قال لألا نهدر أو نهدر نصوص الوعد فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. Donc on doit faire partie de هؤلاء qui regardent avec leurs deux yeux. Fais attention de ne pas être borgne. Et هنا borgne c'est le cœur. Ton cœur كذلك il voit, ce qu'on appelle البصيرة, la clairvoyante. Fais attention de ne pas regarder que d'un œil. Et tu prends des adila et tu te précipites. Il y en a beaucoup de gens qui disent, n'am, telle personne, s'il fait telle chose, il meurt, il va en enfer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Et il y a des textes. Celui qui fait telle chose, il goûtera au feu. Ils ont délaissé le reste. Le reste, ça t'explique ce texte. Même s'il rentre en enfer, c'est si Allah il veut, et même s'il rentre, on a des textes que les croyants, ils sortiront de l'enfer. Enfin, pourquoi tu acceptes pas les textes? Maintenant, le Khawarij, ils disent que ceux qui font des grands péchés, ils iront en enfer éternellement. Même si il dit shahada, même s'il fait salat, même si c'est un croyant. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec tous les hadiths de Al-Shafa'a? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que certains croyants, ils sortiront du feu. S'ils sont rentrés au feu, c'est qu'ils avaient des péchés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils sortiront. Enfin, limada haoula, ils n'acceptent pas al-hawa. Limada li annahum, ils sont... On dit même plus borgne pour certains. Bardhom, ils sont aveugles. À notre époque, certains, ils sont aveugles, clairs. Al-Nahum, ils regardent même plus les textes d'un œil. Ils regardent plus de tous les textes. Ayyadam Billah, ils suivent leur passion. Thumma qala, rahimahullah, le dernier point, ou l'avant-dernier, qala wa fi asma'il iman wa ad-din. Wa fi asma'il iman wa ad-din bayn al-haruriya wa al-mu'tazila wa bayn al-jahmiya wa al-murji'a. Il y a une différence entre ce bab et au ce point et le précédent. Le précédent c'était sur le hukm fil akhir. Est-ce que celui qui fait des grands péchés, il va en enfer amla? On a cité le juste milieu. Ce point c'est fi asma al iman, c'est par rapport au nom. Est-ce qu'on dit c'est un croyant amla? Il fait dunya. Matalan celui qui fait un grand péché, est-ce que c'est un croyant amla? Faqala wa fi asma al iman wa ad-din bayna al haruriya wal mu'tazila wa bayna al jahmiya wal murji'a. قال وقد تقدم ذلك لكن الفرق بين الحرورية والمعتزلة أن الحرورية وهم الخوارج يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويخلدونهم في النار وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر بل يقولون أنهم لا مسلمون ولا كفار ولكنهم يخلدونهم في النار كما تقول الخوارج والنصوص ترد قولهم جميعا. Pour résumer, il y a deux extrêmes. Celui qui fait des grands péchés, Al-Murji'a, ils disent que c'est un croyant et il a la même foi que les autres. Tous les croyants, ils ont la même foi. Donc sa foi, elle n'est pas affectée, elle ne diminue pas à cause d'un péché. Ça, c'est le premier extrême. L'autre extrême, il y a deux catégories. Il y a Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Al-Khawarij, بعض العلماء كذلك les appellent Al-Haruriya, en référence au premier Khawarij. Ha'oula, ils disent que s'il fait un grand péché, c'est un kafir. Et s'il meurt, il est éternellement en enfer. Donc, Fidounia, il l'appelle kafir. Pour eux, c'est pas un croyant. Al-Mu'tazila, ils ont un qawl ajib, qu'on a déjà étudié, walillahi alhamd, quand on a étudié cette secte, et kadalik dans d'autres livres de Aqida. Anahum, ils disent, on dit pas que c'est un musulman, on dit pas que c'est un kafir. Il est fi manzila, bayna manzilatayn. On dit pas c'est un musulman, parce qu'il a fait un grand péché. Et on dit pas c'est un kafir. Bien sûr, tout cela, Fidounia, amma fil akhira, on a vu dans le point précédent, dans l'au-delà, pour eux, il ira en enfer éternellement. Donc, fil haqiqa, ils ont le même qawl que le khawarij, lakin fi dunya, ils n'osent pas dire que c'est un kafir. Ha'oula, c'est des égarés. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité des versets pour répliquer à Haoula, qu'au Azza wa Jal, famada ba'da al-haq illa al-dalal. Pourquoi ne pas dire c'est un musulman? On parle de Mu'tazila al-an. Pourquoi ne pas dire c'est un musulman, ou un kafir, si c'est un kafir? Mais eux, ils disent, on ne dit pas musulman, on ne dit pas kafir. Qal Azza wa Jal, famada ba'da al-haq illa al-dalal. Et soit c'est un musulman, soit c'est un kafir. Il n'y a pas de troisième situation là. وقال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Allah, c'est lui qui vous a créé, et certains êtres humains c'est des kuffars, ben la plupart, et certains walillahilhamd c'est des croyants, c'est des musulmans. Il y a pas de manzila bayna almanzilatayn. Fahoula, c'est des égarés. ثم قال وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج فان الرافضه تسبهم وتلعنهم وربما كفرتهم او كفرت بعضهم. Le dernier point, اهل السنه ils suivent le juste milieu concernant les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Tu as un premier extrême, انهم critiquent, ils insultent, بل عياذا بالله, ils rendent mécréants les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ou la plupart. هؤلاء c'est الرافضة. قالوا أما الرافضة الغالية فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة والخلفاء الثلاثة فإنهم يغلون في علي ويدعون فيه الألوهية. Donc, الرافض, ils ont rassemblé les deux extrêmes. Certains compagnons, بل la plupart, ils les insultent, ils se moquent, ils pensent que ce n'est pas des croyants, ben ils les font sortir de l'islam. Et la famille du prophète, comme Ali, radiyallahu an, qui fait partie des grands compagnons, min al-khulafa al-rashidin, ils ont exagéré, hatta ils l'adorent. Ils l'ont élevé au niveau de al-rububiyya ou al-uluhiyya. Pardon, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils connaissent le ghaib, qu'on peut l'adorer, on peut lui demander, etc. قَالُوا هُمُ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رضي الله عنه بالنار. نعم. قال في الحاشية كما في صحيح البخاري. وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماء الصحابة والمسلمين. والخوارج un autre extrême. Donc si on garde l'exemple de Ali pour que ça soit plus clair, الروافد ils ont exagéré sur Ali. حتى ils ont élevé un rang de الربوبية والألوهية. الخوارج l'autre extrême, ils ont combattu Ali et ils l'ont fait sortir de l'islam. Et ils ont, ayyadan billah, stahallu dama. Ils ont pensé que son sang il était halal et ils l'ont tué. قال وهدى الله اهل السنه والجماعه فاعترفوا بفضل الصحابه جميعا وانهم على نعم نعيد وهدى الله اهل السنه والجماعه فاعترفوا بفضل الصحابه جميعا رضي الله عنهم وانهم اعلى الامه في كل خصله كمال. اي نعم. C'est les meilleurs des hommes après les prophètes et après les messagers. C'est les meilleurs de cette communauté sans aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés. Enfin, un sunni il aime les sahaba. Tu ne trouveras pas un sunni qui déteste les sahaba, qui insulte les sahaba, qui se moque des sahaba. Radiallahu anhum. Abedin. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un adab. Les nabardinnas, ahyanan, ils parlent de As-Sahaba radiyallahu anhu, mais ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas et ils rentrent dans des choses qu'on doit pas, on doit pas rentrer aslan, comme ce qu'il s'est passé entre Ali et Muawiya radiyallahu anhu majma'in, la fitna qu'il y a eu, la guerre qu'il y a eu, et As-Sahaba radiyallahu anhu, il s'est passé ce qui s'est passé. Pardon, ils rentrent dans cela, ils exagèrent et ils parlent mal de Muawiya radiyallahu anhu, ou ils parlent mal de Ali ou de Aisha ou de Talha ou de Zubair radiyallahu anhum majma'in. Haoula, cette histoire elle est passée et Allah subhanahu wa ta'ala il leur a pardonné. Limadha li'anna haoula kathir minhum ils ont assisté à Badr, ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il s'est passé, il s'est passé, et anta prends soin de ta aqida. Pardon, mais ils veulent rentrer dans ce sujet et ils lisent des livres d'histoire où certaines paroles elles sont pas convenables par rapport aux compagnons radiyallahu anhum. Et il se passe ce qu'il se passe. Falhadar, fais attention quand tu parles de sahaba radiyallahu anhu. As-sahaba, comme il dit, ahl al-ilm, c'est un khat ahmar. C'est une ligne rouge. Ne pas franchir, abadan. Tu n'as pas le droit de citer un de haoula en mal, avec une kalima. La. Haoula, on les cite que bil jamil. Et l'imam Tahawi, rahimahullah, il a un kalam jamil fi hada. Qala. ومع ذلك فلم يغلو فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. كذلك نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم سوا معصوم. إجمعهم نعم. إجمع الصحابة إلى دين الحق. C'est la voie de vérité. أما أفرادهم ils sont pas infaillibles. Ça reste des êtres humains. لكن tout le bien qu'ils ont fait, enfin, on les aime et on cite que leurs qualités, radiyallahu anhum, et c'est ahsan al-nas après les prophètes et les messagers. Kadhalik, on peut citer un dernier point avant de conclure. Il y a un autre groupe qui s'appelle Nawasib. Et kadhalik, on peut reciter un dernier exemple fi Ahl al-Bayt. Et Cheikh Saadi l'a cité, rahimahullah, lakin on peut détailler aksa, anna Ahlul Bayt, tu as deux extrêmes. Tu as Al-Rawafid qui ont exagéré, la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Hatta, ils ont adoré Fatima, ils ont adoré Ali, Al-Hussein ou Al-Hussein. Ils se sont égarés. Tu as un autre extrême qui s'appelle Al-Nawasib. Et c'est un groupe qui est sorti pour contredire Al-Rawafid. Et ils ont exagéré et ils ont insulté et détesté la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Ils se sont égarés. Le juste milieu, c'est que la famille du prophète sallallahu alayhi wasalam, bien sûr, tant que c'est des croyants, surtout si c'est des compagnons, enfin, on les aime et on déteste ceux qui les détestent sans exagérer. فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ فَهَذَا الْبَابِ. On a préféré le lire une fois لأنه il est مفيد et les masaïles elles étaient liées. Enfin, on fait des efforts toujours pour suivre la voie du juste milieu. Et la voie du juste milieu, elle commence par l'aqida. Vous avez remarqué que ces points, c'est que dans l'aqida. On aurait pu citer des exemples avec des extrêmes autres que dans l'aqida. Lakin, le juste milieu, ça commence via hada. Enfin, apprends ta aqida, akhil karim, suis le juste milieu, et sache que pour suivre le juste milieu, c'est pas en réfléchissant, en essayant de trouver toi-même. Le juste milieu, c'est en suivant les textes et en revenant aux savants de la sunna. Et réfléchis et suis. Ha'oula, walillahi alhamd. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa al-tawfiq. Et on passe à notre deuxième dars. بإذن الله عز وجل